comment habiter l'espace. Il peut sembler évident que nous autres êtres humains, comme tous les autres êtres vivants, nous habitons l'espace, nous habitons dans l'espace. Nous avons besoin d'un espace pour vivre, d'un espace que même certains ont dit pour le transporter dans la guerre, un espace vital. Et il peut sembler évident que la quantité d'espace, que la maîtrise de cet espace, y compris mathématique et technique, est le premier élément de notre habitation du monde, notre élément concret, ce pour lequel nous devons nous battre le plus. Or, il est peut-être aussi tout aussi évident que cette idée-là de l'espace, d'un espace neutre mathématique et d'un espace qui nous est donné à conquérir, à arpenter, à maîtriser, à dominer, est une idée fictive, une idée tardive, une idée peut-être aussi dangereuse. Au fond, l'espace dans lequel nous vivons est un lieu d'abord, comme disent les philosophes de l'Antiquité, un lieu concret, toujours différent des autres et jamais un espace neutre. C'est aussi un milieu pour les êtres vivants, un milieu qu'il faut à la fois habiter au sens de s'y construire un environnement qui permet la vie et aussi auquel il faut résister parfois quand il devient dangereux, dans lequel il faut rayonner, qu'il faut rendre beau et heureux aussi et partager avec les autres vivants, car l'habitation est toujours une cohabitation avec d'autres vivants. Dans ce milieu, il y a d'autres êtres et ce n'est pas un espace neutre, mais un monde partagé dans lequel nous habitons et qui définit ce que certains appellent l'environnement, d'un terme peut-être trop centré, diront certains, puisqu'il suppose des centres, mais il y a bien des centres dans l'espace habité, dans l'espace où nous vivons, et il y a des centres en relation, et c'est entre nous qu'apparaît l'espace. L'espace toujours comme espace intermédiaire, comme espace transitionnel, dit aussi le psychanalyste Winnicott. Cet espace qui apparaît entre la mère et l'enfant, l'espace de jeu, le monde où nous vivons, dit-il, le monde qui n'est jamais seulement celui de la nature, mais aussi de la culture. Tel est l'espace où nous habitons, où nous apprenons non seulement à être, mais à vivre et d'abord à vivre. Et pourtant, il y a bien aussi dans cette expérience du monde, dans cette expérience de l'environnement lui-même, il y a bien un sentiment enivrant parfois de l'espace vide, de l'espace ouvert, comme disent certains philosophes. Arrivons au sommet d'une montagne, arrivons dans la campagne, arrivons sur une grande plage environnée de soleil et de mer, et bien entendu nous avons ce sentiment de l'espace qui n'est pas seulement la peur de l'infini, comme chez Blaise Pascal, ces espaces éternels qui nous effraie, mais une extase au fond de cet espace infini, aussi de la vie et du corps qui tout à coup exulte. Mais justement dans cette ambivalence entre la terreur des espaces infinis et la joie de l'exultation de l'espace ouvert, il revient toujours l'idée d'un espace polarisé, d'un espace vivant. Le sentiment de l'espace, c'est le sentiment aussi de la liberté. Si nous nous enfermons, si on nous enferme en prison, cette privation d'espace sera une douleur tout aussi cruelle que la privation de temps. Les êtres humains ont besoin d'habiter et d'explorer, non pas pour conquérir, mais pour exulter, pour s'exprimer dans un espace qui n'est pas celui de la conquête spatiale, qui est celui permis dans le monde concret, dans le monde fragile, par des exultations nécessaires, des créations de monde, ce sentiment de liberté qui, sans l'espace, est impossible.